de le dire, mais il y a une façon de le faire. CKRL FM 89,1. Bonne fin d'après-midi sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes à l'écoute de Première Loge, édition spéciale, date anniversaire de CKRL 89.1. Mon nom est Jean-Sébastien Doré, je suis directeur de la programmation ici à CKRL. Je serai accompagné pour toutes les missions pour les 90 prochaines minutes de Danny Fortin, directeur général de CKRL. Bonjour Danny. Bonjour Jean-Sébastien. Mais également de celui qu'on vient tout juste d'entendre, bien sûr, animateur émérite, non? Non? Pas ces mots-là. Pas ces mots-là? Moi, je prends l'antenne à 18 heures. Denis Lelièvre, qui est avec nous. Bonjour. Animateur depuis les origines, depuis 1973, que vous entendez sur nos ondes à ce jour. Hein, il anime deux fois par semaine cette année. Midi Jazz, les lundis de midi à 14h également. Chansons sur parole les jeudis de 14h à 16h. Vous avez pu entendre aussi dans un contexte anniversaire pendant l'année du 50e, Denis co-animé avec Jessica Leb, 50 ans de CKRL, une série d'émissions, d'une cinquantaine d'émissions, 41 émissions, où ils ont retracé la longue et riche histoire de CKRL avec les gens qui ont fait CKRL, en fait, des collaborateurs, des amis de la station au fil des années. J'ai dit que c'est la date anniversaire, mais bien sûr, on a fait une petite entorse à la règle. Bien sûr, le 15 février 73, c'est la journée où CKRL a commencé à émettre. Nous sommes le 14, vous comprendrez bien. Le 15 tombe un samedi, et nous, le samedi, on arrose notre entrée de maison. On n'est pas ici. On a décidé de profiter, en fait, de pourquoi pas le 14 février, Saint-Valentin, fête de l'amour. Pourquoi, oui, oui. Pourquoi ne pas donner de l'amour à 10 personnes des anciens, des collaborateurs de longue date de CKRL. J'ai-tu volé un punch, Danny? Non, c'est correct. C'est correct. C'est pas 8 personnes, d'ailleurs? Bien, on en profite maintenant depuis le 50e anniversaire, depuis le 15 février 2023. À l'occasion de l'anniversaire de CKRL dans cette année du 50e, on a justement décidé d'introniser des gens qui ont été importants pour CKRL depuis 1973, que ce soit des artisans, des membres du conseil d'administration, des partenaires, tous ceux qui ont œuvré, qui ont eu un impact sur la station. Donc, c'est en 2023 qu'on a débuté le tout, Denis. Et oui, tout à fait. À ce moment-là, justement, on a fait la première annonce, c'est-à-dire qu'il y a eu les 14 fondateurs de CKRL qui ont été nommés et 50 personnes, donc il y avait 64 personnes. Et on a décidé qu'à chaque date anniversaire, on allait en profiter pour souligner l'anniversaire de CKRL, mais également souligner l'apport d'autres personnes qui ont été importantes pour CKRL. L'an dernier, il y a eu 16 personnes supplémentaires pour en arriver à 80 personnes. Et quand on parle du mur de la reconnaissance, c'est l'occasion de reconnaître, comme je le mentionne, l'apport des signataires de CKRL, ceux qui ont fondé CKRL et de tous ces artisans. C'est bien ça, hein, Denis? Tout à fait, tout à fait. Ce qui est important de dire, c'est que, tu parles de tous les contributeurs. Spontanément, comme ça, parce que c'est plus public, hein, c'est plus visible, on penserait aux animateurs et aux animatrices. Mm-hmm. Elles sont très, très bien représentées, mais sans des joueurs de l'ombre, il ne pourrait pas prendre le micro et être en contact avec notre auditoire. Donc, il y a un personnel de soutien dont le nombre a varié au fil des ans, qui lui est rémunéré, modestement quand même. Il y a aussi des gens qui s'offrent pour être volontaires, encore là bénévoles, et faire partie d'un conseil d'administration. Et ça, c'est très, très important aussi pour ce qu'on appelle une OBNL, Organisation à but non lucratif, dont CKRL fait partie. Mais il y a aussi des commanditaires, parce que sans que ce soit aussi présent que dans bien des radios privées, historiquement, c'est une part importante, Danny, pour compléter, de notre mode de fonctionnement. et il y a des commerces, des magasins finalement qui ont cru en CKRL. Ça a été donnant-donnant et parfois presque dans un pur esprit bénévole et citoyen d'appui à ce genre d'expérience qui était et qui est toujours CKRL. Trop heureux, trop excité de vous parler du mur de la reconnaissance. Je suis allé un petit peu trop vite, en fait. On voulait parler de l'anniversaire. On y reviendra, bien sûr, dans quelques minutes. Et on va parler à plein de gens qui ont participé à l'histoire de CKRL pour parler de leur expérience sur nos ondes et en parallèle, en fait, en collaboration avec nous. Mais juste pour lancer la discussion sur l'anniversaire, CKRL aura 52 ans demain. Oui. Denis, on a eu l'occasion dans les dernières années, depuis le 50e, entre autres, mais aussi plusieurs fois avant, de parler de ton expérience sur ces 52 ans maintenant. Comment la place de CKRL a évolué dans l'écosystème médiatique de Québec? Quelle est sa place dans sa communauté en termes de découverte culturelle et musicale? Comment as-tu vu changer CKRL autour de toi et avec toi, Denis? Bien, juste d'abord, au plan anecdotique, c'était un jeudi. D'accord. Et en termes de température, puisque les événements d'hier et d'éventuellement dimanche nous le rappellent, c'était une petite bordée. OK. D'à peu près l'équivalent aujourd'hui en centimètres, parce que nous parlions en pouces, de 3 à 5 centimètres. Et nous étions déjà presque une soixantaine de collaborateurs et nous avions commencé par 4 jours du jeudi au dimanche, dans la journée, à partir de 17 heures. Donc, au fil des mois et des années, c'est vite devenu une programmation complète et occupant toutes les heures de la journée. L'évolution, la place, c'était très dynamique et à l'image de ce qu'on sait des années 70 en général, comme nous étions la deuxième radio en modulation de fréquence. Et l'idée, c'était de laisser les radios parler, hein, ça revient par cycle, diffuser plus de musique, mais comme aujourd'hui, pas que de la musique. Et donc, il y avait un gros intérêt et beaucoup d'écoute de la station. C'est peut-être l'époque où la radio a pris le plus de place, d'une certaine manière. Après ça, ben, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, tout dépend, comme en musique d'ailleurs, de l'évolution des innovations technologiques qui ont amené jusqu'à donner beaucoup d'autonomie et de liberté aux auditeurs. Donc, à la fin des années 80, début 90, on avait le fameux Walkman. Et depuis, nous sommes rendus aux différents plateaux, aux phases d'écoute, si tu veux, comme Spotify ou YouTube et tout ça. Et là, à ce moment-là, on n'est pas noyé, mais il faut se distinguer à travers ces nombreuses radios, ces nombreuses sources de radios, et ces changements d'habitude d'écoute. Et on va poursuivre l'émission, en fait, on va commencer à discuter avec des gens, et des collaborateurs, des collaboratrices tout du long de l'histoire de CKRL qui ont vu évoluer cette station-là avec toi, Denis, logiquement, mais avec tout le reste de l'équipe de CKRL. Dani, peux-tu nous présenter la première personne à qui on va jaser de son expérience à CKRL? Oui, la première personne à qui on va parler aujourd'hui, c'est Martin Bolduc. Martin a été sur le conseil d'administration de CKRL. Il était à la présidence du conseil d'administration de CKRL. Il a également animé une émission à CKRL. Mais Martin pourra nous en dire davantage, justement, de son passage à CKRL. Bonjour, Martin. Bonjour, Dani. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui, très bien. Donc, un peu comme je le mentionnais, Martin, on souhaiterait t'entendre justement sur ton passage à la station à CKRL au fil des années. Ben, écoute, je ne peux pas faire autrement que faire un clin d'œil à Denis Lelièvre parce que c'est une des premières voix que j'ai entendues quand j'étais encore bien jeune, en 73-74, au tout début de la station. Pas longtemps après, j'ai commencé, assez longtemps après. En 81, j'ai commencé comme bénévole, comme tout le monde commence à CKRL souvent comme ça, comme metteur en onde, choix musicaux variés, ce genre de choses-là. Puis, au fur et à mesure que ça évolue, je me suis de plus en plus impliqué, comité de programmation, Je fais de plus en plus d'émissions, j'ai fait de la réalisation un peu. Et il est arrivé un moment où on a eu une sérieuse crise en 85. Je me suis impliqué un peu plus à cette époque-là. Je suis devenu membre du conseil d'administration et éventuellement président du conseil d'administration. Et puis, Bat, au moment, je pense, où il n'y avait plus d'émissions de jazz, ce qui a été très, très rare, ou peu importe, pour en faire une vraiment à vous autres, avec Gilles Chaumel et les deux gars, on va les appeler comme ça, du magasin Disque Sion, Denis et Guy, Guy Pichet. Non, Denis et Paul. Denis et Paul, pardon, mm-hmm. effectivement, ouais. Merci. Vous avez décidé de faire une émission qui s'appelait « Par quatre copains ». Oui, les quatre copains, en fait, sont arrivés après quelques expériences qu'on avait fait, entre autres, moi et Paul. On a fait une émission en duo qui s'appelait Rictus. Avec Jodoin, Denis, aussi, de chez Sion, on a fait une autre émission en duo qui s'appelait Le Train de minuit. Puis finalement, après avoir rapaillé Chaumel avec nous, quand j'avais déjà un peu rapaillé à CKRL grâce à sa participation à l'émission de musique baroque du dimanche matin, qui s'appelait La Folia à l'époque, Gilles étant aussi un amateur de jazz, on a décidé de se réunir justement pour faire cette émission qui s'est appelée Par quatre copains, qui a duré peut-être, je sais pas moi, au moins 2 ou 3 ans. Je me rappelle que la dernière saison, j'avais déjà déménagé à Vancouver. J'envoyais mes choix musicaux à Denis ou à Gilles qui le mettaient en onde. En tout cas, ça a été une belle histoire d'amour, ça, par quatre copains. Et comme tu dis, Denis avait pas. Il y a toujours une place quand même importante pour le jazz à CKRL. On a été jusqu'à un certain point, je dirais, éduqués, formés un peu par des gens comme toi, comme Pierre Boulay, comme La Force, j'ai de La Force, qui nous ont un peu comme accompagnés, si je peux dire, dans notre éducation musicale, pour éventuellement aboutir à faire nous-mêmes nos propres émissions de jazz et perpétuer cette tradition-là qu'il y avait à CKRL. Et tout ça en c'est un souvenir, parce que je pense que c'est un des éléments importants que Denis voulait soulever aussi. C'est pas parce qu'on faisait une émission de radio qu'on se contentait de cette participation-là. On s'est impliqué, justement, comme je disais, au comité de programmation. Notre travail de bénévole débordait, pour plusieurs d'entre nous, en fait, débordait le plaisir de faire de la radio, qui était effectivement notre motivation première. Et je pense pas que j'aurais pas fait le chemin inverse. Je serais pas rentré par le conseil d'administration pour venir faire de la radio. C'est l'inverse, je pense, qui se fait, parce que tu tombes en amour avec le médium et tu tombes en amour avec la station. Et donc, tu veux t'impliquer de plus en plus et tu te retrouves dans des situations où, effectivement, ton implication dépasse tes 2 heures de radio par semaine. C'est intéressant, les deux termes que tu utilises, Martin, médium et puis station. Ouais. C'est-à-dire, je pense que quand quelqu'un anime une émission, il réalise quelque part que sa survie, sa pérennité repose sur un engagement à tous les niveaux. Ça en dépend. Et là, finalement, les deux cohabitent ensemble, comme ce qui est arrivé à beaucoup de gens parmi nous, et ce qui est le trait commun à la plupart des gens qu'on a invités à parler aujourd'hui. J'aimerais que tu dises surtout, donc, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là pour toutes les autres expériences différentes que tu as faites dans ta vie par la suite? Dans quelle mesure c'est essentiel, c'est une base pour toi? Ah, oh, mon Dieu! Écoute, pour moi, ça a été très formateur parce que, bon, d'une part, ça m'a permis, on apprend beaucoup à vivre dans le communautaire, on apprend à partager, on apprend à mieux, je dirais, orienter nos intentions, travailler avec un public restreint, tu vas me dire, mais quand même, un public quand même. Je parlerai même pas des problématiques de gestion puis de comptabilité puis tout ça, mais sur un plan strictement humain, moi, en fait, c'est un peu ce qui m'a lancé dans une carrière qui est maintenant noyée par le divertissement. J'ai travaillé dans le milieu de la musique, dans le milieu des événements, dans le milieu du cinéma, depuis à peu près ce temps-là. Je dirais que c'est peut-être ça qui m'a ouvert l'esprit dans un premier temps, puis m'a permis de comprendre que c'est dans ce milieu-là que je voulais évoluer. J'ai pas nécessairement continué à faire de la radio sur une base professionnelle, mais tout ce que j'ai fait sur le plan professionnel était collé à la culture, était collé à au monde de la culture. Et je pense, je le crois sincèrement, que mon passage à CKRL a été extrêmement important pour ce virage-là que j'ai pu prendre, si tu veux, à cette époque-là, de décider que j'allais gagner ma vie dans ce milieu-là. Pas que je m'en allais en comptabilité, là, j'étais pas complètement déconnecté, mais j'avais pas nécessairement encore les outils nécessaires pour y aller. Puis je pense que l'expérience à CKRL, la dizaine d'années que j'ai passées là, à titre de producteur, de bénévole, d'administrateur, m'ont définitivement donné ce bagage-là. En tout cas, ont contribué à faire ce que je suis, à être ce que je suis maintenant. Martin, c'est un bon point, Denis, que tu soulèves ça, parce qu'effectivement, c'est important. Martin, en début d'émission, on mentionnait que depuis 2023, CKRL a intronisé des gens sur le mur de la reconnaissance, c'est-à-dire des gens qui ont fait un apport à la station, que ce soit des artisans, des gens du conseil d'administration ou autres. Et en 2025, il y a un nouveau comité qui est arrivé. Il y a le premier comité 2023-2024. Il faut quand même nommer ces personnes-là, 2023-2024. Donc, il y avait Denis sur le comité, Paulette Dufour, Jean-Pierre Bédard, Jacques Bégin, Raymond Poirier et moi. Et en 2025, le nouveau comité était composé de Denis toujours, Brigitte Duchesneau, Jean-Sébastien Grondin, Jacques Bégin et moi-même. Et Martin, donc, en 2025, j'ai le plaisir et l'honneur de t'annoncer que tu es nommé sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Ah, ben c'est un réel honneur. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup le geste, d'autant plus que j'avais entendu parler du mur en question. Et quelques-uns de mes collègues et copains étaient là-dessus aussi. Ben, je suis vraiment honoré de pouvoir meubler ou... décorer ce mur-là avec mon nom, c'est un honneur, et je suis content que ça soit reconnu, et je trouve votre idée extrêmement... c'est une vraie bonne belle idée, cette histoire-là, de mur des honneurs. Je suis vraiment honoré d'être là-dessus. Donc, lorsque tu passeras à CKRL, tu pourras voir le mur et ton nom identifié, et également sur les différents réseaux, principalement sur notre site Internet également. Ah ben, je vais faire un détour par Québec bientôt, certains, pour aller... faire une photo de moi-même, un selfie sous mon nom du mur des honneurs. Merci. Merci, M. Bolduc, d'avoir été avec nous aujourd'hui à Première Loge. Grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, Martin. Salut, Martin. Salut, Denis. Salut tout le monde. Bye-bye. Oui, si vous me permettez, Denis et Dani, on va poursuivre un court intermède musical pour préparer notre prochaine invitée dans quelques instants. On va écouter notre ancienne coporte-parole du Radioton du 50e, Louis-Adrienne Castille, coporte-parole avec sa mère Paul André, qui fait partie du mur de la reconnaissance, doit-on le souligner. Une chanson d'amour, parce que c'est la Saint-Valentin, ben d'amour immature, les amours immatures, Louis-Adrienne Castille à CKRL. Précieux petit insolent, à la bouche, aux yeux violents, je me crois forte et pourtant je sens que ça devient glissant. La fièvre me prend lentement, tâche mes rêves adolescents. Tu m'enivres et je me surprends à y penser de temps en temps. Ne me dis pas qui je ne suis pas, ne fais pas celui qui sait mieux que moi ce que les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Épargne-moi le cinéma de tes remords et je ne sais quoi. Parfois les filles... Nous sommes de retour à Première Loge, spéciale date anniversaire de CKRL 89.1, votre radio favorite qui aura 52 ans demain, donc première date d'émission le 15 février 1973. On en profite aujourd'hui dans le cadre de l'émission du retour. Bien sûr, nous sommes le 14 février, mais on a décidé de donner de l'amour à notre station qui fêtera son 52e anniversaire demain, bien sûr, mais également à plusieurs artisans et collaborateurs de la station avec qui on a le goût de parler, moi, Dany et Denis, de leur expérience à CKRL au fil de ces 52 ans. On poursuit la discussion avec un animateur dont vous reconnaîtrez la voix. Il est toujours en onde avec nous, un animateur d'une émission de rock que vous appréciez tout particulièrement. Il anime Mezzanine les jeudis de 20h à 22h, spécialisation musique britannique. On a avec nous Michel Drolet. Salut Michel. Salut tout le monde. Salut Michel. Oui, bonjour Michel. Donc, depuis combien d'années maintenant à CKRL? Depuis 1999. Donc, si mes calculs sont bons, 26 ans. 26. Et toujours avec le nom Mezzanine? Moi, je suis entré à CKRL un peu par la porte d'en arrière. Hein, parce que j'avais deux amis qui faisaient une émission. Et je me suis mis à les accompagner le soir. Et petit à petit, j'ai apporté des disques et l'animateur a décidé de quitter. Mais avant ça, on a changé le nom de l'émission, donc Mezzanine. Oui. Et puis il a quitté et c'est là que j'ai pris la place d'animateur. Tu t'es promené un peu dans le créneau horaire de CKRL, dans la programmation. Tu n'es pas toujours le jeudi soir parce que le jeudi soir à 20h, on se souvient, a été le moment où l'émission L'Opineur du chef avec Denis Barry. Oui. Tu as pris la place de Denis lorsque malheureusement Denis est décédé. Mais Mezzanine était à un autre moment dans la programmation. Oui, effectivement. Je crois que j'ai fait tous les jours, sauf le samedi et dimanche. Mais à un certain moment donné aussi, les albums qui paraissaient les mardis. Alors, à l'époque, on me disait, ce serait mieux le mardi, puisque je faisais une émission de nouveautés musicales. Il y a mon album la semaine, à tous les semaines. Donc, l'album paraissait ce mardi-là. Okay. Donc, c'était une raison pour laquelle j'étais le mardi. Et ensuite, ça a été les... J'ai déjà été les vendredis, mais c'est pas tombé finalement le jeudi. Et ça a toujours été pour le rock britannique parce que justement, tu assistes régulièrement à plusieurs spectacles à travers le monde, de spectacles que tu, justement, nous parles tous les jeudis soirs, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, quand je prévois mes vacances, c'est toujours en conséquence de spectacles. Et si on décide de partir à un moment donné, je regarde toujours... Qu'est-ce qu'il va y avoir en spectacle autour de notre voyage? Et c'est toujours basé autour de spectacle. Et dis-moi, Michel, c'est ça. Finalement, le rock, pour toi, a toujours occupé une place importante en soirée avec beaucoup d'autres animateurs et collègues. Donc, c'était important. Tu n'es sûrement pas le seul. Mais est-ce qu'au fil des ans, tu trouves que la station a couvert suffisamment les différentes facettes du rock? Ah oui, tout à fait. On a juste à écouter la programmation de CKRL là, tous les jours. Là, et surtout soir, le soir, hein, il y a plus de rock le soir. J'imagine que ça se porte plus le rock le soir, peut-être. Et la nuit aussi. Ouais. Mais oui, à CKRL, on couvre le rock. Moi, je suis très pointu là, dans le rock britannique, mais il y a bien d'autres émissions là, qui couvrent l'ensemble du rock, oui. Je te pose souvent cette question-là lorsque je te vois ici à la station, Michel, mais je pense que c'est important de le mentionner. Combien de fois t'as vu Marillion? Je suis rendu à 138. Sérieusement? Wow! Possiblement le Québécois qui les a vus le plus. C'est ça, des passions. Je sais pas, faudrait faire un sondage, mais quand je disais que je base mes vacances autour de voyages, mes vacances autour de spectacles, c'est ça. D'ailleurs, en juin, je retourne les voir. Mais au fil des ans, tu as fini par les rencontrer. Je sais pas si tu as fait une entrevue, mais tu les connais maintenant. Oui, ils parlent de moi. Je vais pas me monter plus haut que je peux être, le chanteur parle de moi dans un de ses livres. Oh, ça c'est bien. Quel est le titre de ce livre? Content. Pour qu'on puisse se le procurer, c'est quoi ce livre? C'est son journal. Lorsqu'il voyage, comme ça, il écrit qu'est-ce qu'il fait dans la journée, tout ça, mais parfois c'est très drôle. Et parfois moins, mais la vie de tournée. Hein, je voudrais juste revenir rapidement sur une expression, toi aussi, que tu as utilisée au début. Et que dans la série, la longue série avec Jessica Leb, dont nous avons parlé tantôt, venir par le biais d'un ami. Donc, ton expression de porte d'en arrière, à ce moment-là, oui. Il y aurait eu plusieurs portes autour de l'immeuble. Parce que effectivement, beaucoup sont venus justement par suggestion de gens qui étaient crédibles pour vous, puisque c'était des copains. Oui, oui, exactement, oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, ça évite, je pourrais dire, de passer une entrevue où je sais que des fois, il fallait envoyer une cassette là, à différentes stations. Je ne me rappelle pas si CKRL a fait ça un jour, mais à un moment donné, il fallait faire une cassette démo. Là. Puis, on te connaît également, Michel, parce que tu mentionnes ton émission, mais tu t'impliques autrement à CKRL également. Là. Au fil des ans, tu as collaboré au Radioton, la mise en onde de différentes émissions, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, oui. Ah, j'aime bien ça, faire la mise en onde. J'étais pas tout à fait très bon au début, mais je crois que maintenant, je relève très bien ce défi. J'aime beaucoup ça. Depuis 2023, Michel, CKRL a annoncé et a intronisé des gens sur le mur de la reconnaissance depuis l'anniversaire du 50e anniversaire de CKRL, le 15 février 2023. À chaque année, on ajoute justement des personnes pour ce mur de la reconnaissance et on est fier de t'annoncer que pour 2025, le nom de Michel Drolet sera sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Pour vrai? Wow! mon Dieu, je suis sans mots. Quel honneur! Merci, merci, merci. Wow. T'es comme notre Marion à nous. Pardon, j'ai pas T'es comme notre Marion à nous. Ah, ouais. Ah, merci énormément. Wow, quel honneur. Avec tous les gens qui sont, sont sur ce mur, là, c'est vraiment un honneur de faire partie de cette belle grande famille que c'est CKRL. Tu le mérites amplement, Michel. Merci énormément. Oui, ben Michel, pour toutes les belles découvertes de rock britannique que j'ai fait à l'écoute de ton émission et que tu as fait faire à nos auditeurs et auditrices, félicitations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On t'écoute le jeudi de 20h à 22h. Merci Michel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci. Salut. Première loge, édition anniversaire CKRL se poursuit après ces courts messages publicitaires. CKRL 89.1. Vous manquez de temps? Simplifiez-vous la vie avec le supermarché Pierre Jobidon de Limoilou. Livraison à domicile et commande téléphonique disponible. Renseignez-vous sur le programme Scène Plus et profitez d'encore plus d'avantages. Supermarché Pierre Jobidon de Limoilou, votre allié au quotidien. Locataire, vous voulez déménager? Ne perdez pas une seconde. Assurez-vous d'avoir trouvé votre prochain logement avant de résilier votre bail actuel. Les appartements se louent vite, très vite. Commencez vos recherches maintenant pour éviter toute mauvaise surprise. Les services d'aide à la recherche de logement sont là pour vous accompagner selon vos besoins. Communiquez avec votre office d'habitation sans tarder. Pour de l'aide, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec. Artiste de la relève, ce message s'adresse à toi. Tu aimerais obtenir une bourse Première Ovation pour réaliser ton projet? Tu as jusqu'au 15 mars pour déposer une demande en théâtre, en art multi, en art numérique, en design ou en patrimoine. Tous les détails sur premièreovation.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Salut, ici Dominique Girard. Vous aimez les sports en général? Pour rester informé sur les derniers enjeux sportifs, je vous invite à écouter tous les mardis à 14h l'émission La Mi-temps. En compagnie de mes collaborateurs chevronnés, nous discutons de la scène sportive sous tous ses angles. C'est un rendez-vous. La Mi-temps vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique spécialiste en produits naturels, et par Logosport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. Créateur d'émotions depuis 1965, le magasin Audiolite est fier d'annoncer sa réouverture au Mégacentre Le Bourgneuf. Sanctuaire des meilleurs produits audio et vidéo des plus grandes marques, la boutique offre désormais un éventail plus large de produits pour tous les membres de la famille grâce à sa boutique conjointe Stéréo Plus Québec. Par son vaste choix, ses judicieux conseils, les meilleures technologies et les meilleurs prix, le magasin Audiolite sera créé l'ambiance parfaite. Rendez-vous en boutique ou en ligne sur magasinaudiolite.com. Vivez la magie des arts de la scène avec les entrées libres Rideau 2025, une présentation de Tuxedo. Du 16 au 20 février à Québec, laissez-vous emporter par la danse, la musique, le théâtre et le cirque. C'est gratuit, réservez vite vos places. Première Loge vous est présentée grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, soutenons la radio d'ici qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté. Vous êtes toujours à l'écoute de Première Loge sur les ondes de CKRL 89.1. Nous en sommes au deuxième tiers de cette émission anniversaire de la date de fondation d'entrée en ondes de CKRL 89.1, le 15 février 1973. Ce sera la fête anniversaire, la date anniversaire demain, mais on célèbre l'histoire de notre station favorite aujourd'hui même. Jean-Sébastien Doré avec vous, accompagné de Danny Fortin, directeur général de CKRL, et Denis Lelièvre. J'ai dit animateur émérite en début d'émission, mais c'est pas non, tellement pas ça. Non, je l'ai pas entendu. Heureusement, je l'ai pas retenu. C'est pas tellement émérite, hein. Les professeurs émérites sont plus permanents, en fait. Sont là occasionnellement, alors que toi, sans discontinuer, tu as animé sur les ondes de CKRL. Et tu es toujours sans là. Discontinuer. Donc, animateur historique plutôt, ou... je sais pas. Vénérable. Vénérable. Oui, je vais venir avec une canne à partir de la semaine. On va améliorer ça d'ici la fin de l'émission. Et les cheveux blancs. Ça va super bien venir jusqu'à maintenant. J'ai été content d'entendre la surprise dans la voix de Michel lorsque tu lui as annoncé tout ça. C'est vraiment des beaux entretiens qu'on mène avec des collaborateurs, collaboratrices de longue date, des amis de CKRL. Et toi, tu découvres des gens. C'est à peu près le seul parmi les gens à qui on va lancer des appels que tu connais vraiment. Ben oui, absolument. L'année dernière, j'ai co-animé avec vous cette même émission. Mm-hmm. Et dans cette émission-là, on s'est adressé à quand même plusieurs animateurs et animatrices qui sont toujours actifs, avec nous. Oui. Pierre Blais est venu nous jaser avec nous. Bien sûr, je le connais. Il anime toujours les jeudis. Mais cette année, oui, il y a seulement que Michel que je connais, avec qui j'ai déjà discuté. Bon, on est des contemporains jusqu'à un certain point sur les ondes de CKRL. Et oui, toutes les autres personnes, j'ai hâte d'entendre leurs témoignages. Je les connais par vos témoignages à vous. On poursuit, justement. On n'a pas trop de temps à perdre dans cette émission qui va rouler très, très rapidement. La prochaine personne à qui on va s'adresser, Dani, elle est active avec CKRL dans quelle décennie? Au cours de la décennie 90. On parle, oui, 90-2000, mais je pense qu'elle va pouvoir nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Diane. Ça va bien? Oui, bonjour à vous deux, à vous trois, en fait. Deux que je connais, l'autre que je connais pas. Ça va très, très, très bien. Ça va bien, Diane. Bonjour, Denis. Oui. Ben, je vous aime en titi, c'est KRL, parce que je suis devant mon amoureux dans un restaurant en train de déguster des antipastilles. Extraordinaire. Il me semble que vous êtes là de bonne heure, il est 16h33. Pardon? Il me semble que vous êtes là tôt dans le restaurant, puisqu'il n'est que 16h33. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est la Saint-Valentin, alors donc on a pris l'heure qui restait, mais c'est parfait, parce que ce sont des antipastilles qu'on mange, alors c'est parfait pour l'apéro. Donc, Diane, on le mentionnait, l'anniversaire de CKRL, puis on en profite pour discuter avec des artisans, artisanes qui ont passé sur les ondes de CKRL, et on souhaitait entendre un peu ton témoignage de ton passage à CKRL, et peut-être nous dire à quel moment ça a débuté, tout ça. Ouais. Ben, en fait, je vais peut-être adoter parce que l'année dernière, au 50e, j'avais aussi eu le privilège, l'occasion de témoigner un peu. J'ai beaucoup de reconnaissance, moi, pour CKRL parce que, bon, je suis arrivée dans la région de Québec, à Québec, plus précisément, en 93. J'arrivais du sud-ouest ontarien, en fait, premièrement de Montréal, puis après ça, du sud-ouest ontarien, où j'avais commencé ma carrière, entre guillemets, à la radio. Puis, quand je suis arrivée à Québec, je m'étais fait dire d'ailleurs que à Québec, c'était difficile de se faire des amis, de s'intégrer et tout et tout. Puis moi, je dirais, je dois lever mon chapeau à CKRL qui m'a permis de m'intégrer et de connaître tout le milieu socioculturel en un temps record. D'abord parce que j'ai d'abord animé, co-animé avec Marie-Jo Lagacé, qui est demeurée une amie d'ailleurs, une émission qui s'appelait Maud Cambronne et qui était une émission spécialisée en théâtre. Donc, comme moi, je venais non seulement de la radio, mais également du théâtre, ça m'a permis de connaître tout ce qui bougeait en théâtre à Québec et dans sa région. Ça a été, tu sais, j'ai connu tous les artisans, j'ai connu les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs, les compagnies. Donc c'était pour moi une façon de m'intégrer très facilement. Ensuite, j'ai été une salariée de CKRL, ce qui était quand même plutôt rare parce que la plupart des animateurs, des producteurs sont bénévoles. L'étaient, en tout cas, je crois qu'ils le sont encore. Mais grâce à un programme de création d'emploi, là, j'ai été l'animatrice du matin pendant pas très longtemps quand même. C'était en 94, ça a dû durer 6 mois. Mais quand même, comme évidemment, j'avais pas de recherchiste à mon service, on faisait tout. Je faisais tout seul, les entrevues, mais aussi toute la recherche, la préparation d'entrevues, etc. Ce qui fait que là, encore plus, j'ai connu tout le milieu socioculturel. À tel point que ça faisait pas 6 mois que j'étais ici, qu'il y a personne qui savait que ça ne faisait que 6 mois que j'étais dans la région. Parce que j'étais vraiment devenue connaissante du milieu, d'une part, et tout le monde m'avait finalement intégrée. Là. J'étais une nouvelle arrivante, totalement acceptée et en contact facilement avec tous les intervenants du milieu, culturel, oui, mais socioculturel aussi. Alors voilà, c'est moi, j'ai Je retiens mon grand cri de remerciement et de gratitude envers CKRL. Je retiens, Diane, deux mots en ce qui te concerne. Donc, le côté rassembleur de CKRL et le côté, je dirais, un peu catalyseur. C'est comme si c'était un gros coin de rue là, où on était facilement au courant de ce qui se fait, de ce qui s'en vient, qui permet donc de créer des liens. Mais par la suite, tu as animé d'autres formes d'émissions. Je pense que tu as été dans la rotation des Routes Enchantées du dimanche après-midi, non? Eh non! Donc, t'aurais pu, non, t'aurais pu. C'est dire à quel point on me trouve intégrée. Hein? Ah oui, oui, oui! Non, je très n'ai intégrée. Pas été dans cette rotation-là. Mais ça m'est arrivé, par contre, d'animer des émissions spéciales. Comme il y en a une qui me vient en tête, là, à un moment donné, il y avait eu, je sais pas, c'était quelque chose d'assez particulier au Périscope. Je me demande si c'était, ça avait pas été une journée qui était consacrée au théâtre ou à une espèce de comment je dirais ça, pas de table ronde, mais de point de vue, de tour d'horizon du milieu théâtral. Puis je me rappelle que cette émission spéciale-là se faisait en direct. Il y avait Jean-Pierre Bédard qui était à ce moment-là directeur du Périscope. Puis j'avais animé des tables rondes dans cette émission-là, fait des entrevues également. Mais ça, donc, une émission ponctuelle, ça m'est arrivé. Mais non, au détour des Routes Enchantées, j'ai pas eu cette opportunité-là. T'as beaucoup suivi la musique et entre autres la chanson de chez nous, québécoise. Pardon? J'ai dit, tu as beaucoup suivi la musique et la chanson de chez nous. Absolument, ce qui m'a servi ensuite beaucoup et que j'ai continué à faire aussi quand j'ai été à la direction artistique de l'Anglicam, c'est certain. Chansons et jazz. Diane, tu mentionnais que tu dois beaucoup à CKRL, mais CKRL également, en 2023, dévoilait son mur de la reconnaissance, donc pour l'apport de différents artisans, artisanes qui ont œuvré au sein de CKRL. Et j'ai le plaisir et l'honneur de t'annoncer que pour 2025, tu es nommé et intronisé au mur de la reconnaissance de CKRL. Ben voyons donc, Dani, t'es pas sérieux? Je suis très sérieux. Ben voyons, mais qu'est-ce que ça me touche? Mais voyons donc! Quel cadeau! Wow! C'est une belle journée de la Saint-Valentin. Vous comme ça à chaque année ou quoi? Oui, à la date anniversaire, depuis 2023, on ajoute des noms qui ont été importants pour la station, qui ont animé, qui ont été sur le conseil d'administration, qui ont été des partenaires. Oui, parce que j'ai été aussi sur le conseil d'administration, effectivement, pendant 2 ans, peut-être. Mm-hmm. Et exactement. Donc, ton implication a été plus qu'importante pour nous et on est très heureux de t'annoncer que tu es sur le mur de la reconnaissance de ces carrières. Ben, je suis, j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis contente. Vraiment, je m'attendais pas à, du tout à ça. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Alors, c'est un amour réciproque, finalement, si je comprends bien. Exactement. Ouais. Ben, merci. Que dire de plus? Je vais aller voir le mur, c'est sûr. Il est dans la station? Oui, à l'entrée de la station, le mur, ton nom, tout est là. Il va être également sur le site Internet de CKRL. Donc, passe nous voir et ça va nous faire plaisir de te le montrer. Ben oui. Écoutez, moi, je pars en Italie pendant 3 mois. Je pars à la fin du mois, le 28 février, en fait. Mais je vais passer avant. OK. Je vais apporter ça avec moi en Italie. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Madame Blanchette. Bon souper, félicitations Diane. Encore. Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. C'est très gentil. Plaisir. Alors, bonne suite d'émission et longue vie à CKRL. À la prochaine, Diane. Merci. Bye-bye. On va poursuivre avec une courte chanson avant de continuer à accueillir les témoignages d'anciens artisans et artisanes de CKRL. On va écouter Fleurs et l'amour. Quand je te le demande, tu me sers bien fort. Quand tu me le demandes, ça et pas autrement. Ah, l'amour. Vous êtes toujours à l'écoute de Première Loge spéciale anniversaire de CKRL 89.1. On poursuit avec un autre invité pour nous parler de son expérience à CKRL. J'ai menti il y a quelques instants. J'ai dit que je ne connaissais que Michel Drolet. J'ai menti, mais c'est pas grave. Le mensonge est beaucoup plus en vogue que la vérité ces dernières années. C'est un petit oubli. C'est ma vérité alternative à moi. On va parler à Jaime Siles. Monsieur Siles, que j'ai connu, en fait, qui a animé une émission les derniers étés à CKRL depuis que je suis en poste à la direction de la programmation. Donc, j'ai menti. Je connais Monsieur Siles et je suis content de le recevoir avec nous. Bonjour, Monsieur Siles. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, parce qu'on fête un autre anniversaire de notre chère radio CKRL, FM, comme on disait. On était content de pouvoir vous parler aujourd'hui, Monsieur Siles. Donc, en quelle année vous avez commencé? Parce qu'on s'en souvient, c'était par l'émission Soldé America. Bon, disons que Soldé America, c'était la dernière émission qu'on a fait dans la station de radio et qu'avait débuté à mettre en onde des premières émissions en février, évidemment, 73. Moi, je suis arrivé à Québec dans les années 70 et à partir de le moment que je me suis inscrit à l'Université Laval, j'entendais parler dans le département d'information et de communication qu'il y avait un projet de radio. Et il y avait une espèce de petite chicane entre l'administration de l'université qui ne voulait pas vraiment prendre charge de la création d'une nouvelle station de radio parce qu'il fallait créer des budgets qu'il n'y avait pas. et après il y avait le département d'information et de communication, les professeurs qui voulaient absolument créer quelque chose de, d'intéressant, un instrument dans lequel les futurs journalistes pourraient y pratiquer, y mettre en œuvre des projets des émissions de radio, en fait, selon les intérêts des différentes personnes qui étaient vraiment intéressées à participer à cette nouvelle création, projet de radio. Et c'était pas une radio étudiante, c'était une radio qui devait émettre à l'extérieur pour que la population de Québec puisse être contactée. Ici, Denis, comment ça va, mon vieil ami? Pardon? J'ai dit ici, Denis, le lièvre. Ah, salut, Denis, comment ça va? Et monsieur... aussi le directeur, oui. Monsieur Fortin, je voudrais vous en dire bonjour et félicitations. Oui, j'aimerais te demander, Raimé, comment CKRL t'a permis de poursuivre un travail déjà amorcé en Bolivie? Disons que la radio a toujours été ouverte et à des propositions, sauf qu'il y a eu des périodes, évidemment, compliquées au début, parce que la radio était en organisation, c'était pas facile, mais quand même, j'ai réussi à faire une première émission en 1974, ils m'ont donné une heure pour faire une émission qui s'appelait « Espagnol dans l'air ». Alors, j'ai contacté les membres du département d'espagnol, de l'université, etc., etc. C'est une longue histoire. Mais à partir de cette émission, je me suis petit à petit mis à travailler comme bénévole volontaire. Et plus tard, quand la radio est sortie de l'Université Laval, est allée sur la rue Saint-Ursule, là, j'ai fait une autre émission qui s'appelait l'émission s'appelait je vais me rappeler, c'était en tout cas, ça ne me vient pas à la mémoire, mais et plus tard, finalement, après avoir déménagé aussi sur Grand Allée et après dans l'édifice que vous êtes maintenant, on a fait une dernière émission que tout le monde écoutait, ou après tout le monde écoutait, qui s'appelait Sol d'América. Mais... l'autre s'appelait émission hispano-américaine. Ok, mais pour poursuivre, Raimé, donc CKRL a permis pour toi de faire le lien, le pont entre deux communautés, c'est-à-dire celle de l'Amérique du Sud au point de vue géopolitique, mais aussi l'intégration avec les gens du Nord, ceux d'ici, de Québec. Exactement. Les objectifs de ces émissions, c'était de faire découvrir l'Amérique latine, parce que moi, en tant que journaliste, je me suis trouvé dans un milieu dans lequel on ne parlait pas beaucoup de l'Amérique latine. Les journaux de l'époque, les stations de radio privées, ils ne donnaient pas beaucoup d'importance à l'information qui venait de l'Amérique latine, sauf s'il y avait quelque chose d'extraordinaire, un coup d'État, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, comment ça fait-il qu'on ne parle pas de l'Amérique latine? Par contre, c'est un continent très important qui a fait partie de l'histoire, etc., etc. Ça, c'était le premier objectif, combler un besoin que j'ai trouvé qui était nécessaire, et après, les rapprochements entre les Québécois, les Latino-Américains qui commençaient à arriver. Et il faut se rappeler qu'à partir des années 79, 80, 85, les Latino-Américains et Centro-Américains commençaient à arriver à Québec à cause des conflits, des guerres civiles qu'il y avait en Amérique centrale, et partout il y avait des gouvernements dictatoriaux, et donc les gens commençaient à se présenter, se pointer à Québec, à Montréal et au Canada. En fait, c'était la première vague des gens qui arrivaient. Alors il fallait aussi que les gens qui arrivaient des pays d'Amérique latine, ils connaissent, ils découvrent la culture, ils connaissent les services, les organisations sociales à Québec, ils ça, c'était l'objectif. Mais les rapprochements, les reconnaissances mutuelles, et essayer d'intégrer ces gens-là qui arrivaient et que les gens d'ici aussi soient beaucoup plus ouverts à toute la communauté latino-américaine. Et à l'époque, il y avait commencé à fonctionner toute une série des associations. Il y avait les salvadoriens, les latino-américains. Moi-même, j'étais fondateur de l'association latino-américaine. Après, on a fondé la Casa Latino-Americana, les chiliens, les argentins, les salvadoriens, les guatémaltèques. Tout le monde commençait à vraiment s'organiser en association parce qu'ils trouvaient que c'était la meilleure façon de rapprocher les Québécois. Monsieur Silaise, on pourrait vous écouter pendant des heures, j'en suis convaincu. Et par une émission peut-être, un retour sur nos ondes de façon régulière, vous collaborez avec Caroline le matin. Exactement. Mais on souligne l'anniversaire de CKRL aujourd'hui, mais on souligne autre chose également. Depuis 2023, on a dévoilé à CKRL un mur de la reconnaissance qui reconnaît l'apport d'artisans, artisanes, qui ont été importants pour CKRL depuis 1973. Et j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que vous, M. Silaise, et Mme Hortensia également, êtes nommés sur le mur de la reconnaissance 2025 de CKRL. Merci, Denis. Et je vous remercie beaucoup, mais je suis très, très touché parce que je pense que et cette reconnaissance, ça va rester là comme un témoignage de quelques petites affaires qu'on a fait, mais qui quand même ils ont commencé à changer beaucoup de choses au Québec. Et je me rappelle qu'après la Révolution tranquille, on parlait beaucoup, je suis arrivé à près dans les années où il y a eu la Révolution tranquille, et les moments que se faisaient à Québec, etc. Et donc, je pense que nous, on a appris beaucoup de choses aussi de la société québécoise. Alors, je me sens vraiment impliqué, ma femme Hortensia aussi, par mon entremise, vous remercie beaucoup, mais moi, je pense que c'est la volonté d'une société comme c'est la société québécoise que s'est donné des instruments alternatifs afin de résoudre ces problèmes sociaux, politiques, économiques. Et ils sont devenus, aujourd'hui on les reconnaît, ils sont devenus vraiment des gens connaisseurs de l'Amérique latine. Et nous, les latino-américains, on connaît plus le Québec, le Canada, etc., etc. Donc, on vous félicite, Mme Hortensia et vous, M. Silaise, et lorsque vous allez passer à CKRL, vous allez pouvoir voir le mur et vos noms qui seront éternellement sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Merci beaucoup. Ça nous fait chaud le cœur. Merci beaucoup. Et on demande aux gens d'appuyer la radio. C'est une radio communautaire qui a fait beaucoup de moments, de changements dans la société à tout niveau. Et c'est une école même, c'était une école dans laquelle j'ai fait participer mes étudiants de l'Université de Laval. Et aujourd'hui, ils se sont insérés dans beaucoup de médias, Radio-Canada, RDI, etc., etc. Bien, merci d'avoir été avec merci, nous. Merci, Raimé et Hortensia. Salut, à bientôt. Merci, Denis. Merci, monsieur Fortin. À tout le monde, une grande accolade, comme on dit, dans cet anniversaire. Merci d'avoir été avec nous, M. Silaise, et félicitations encore une fois. Merci. On va poursuivre avec quelques instants d'une petite chanson, un hommage au « I Shall Be Released » de Bob Dylan par Tom Chicoine pour ton amour. S'envole, est perdu et ne revient pas. Vous êtes toujours à l'écoute de Première Loge, édition spéciale anniversaire de CKRL 89.1. Jean-Sébastien Doré avec vous, accompagné de Denis Lelièvre et de Danny Fortin. On poursuit cette superbe émission d'entretien avec des anciens et actuels. Enfin, on a parlé à Michel tout à l'heure, des anciens et actuels artisans de CKRL au fil des années. On a au bout du fil un artisan qui a œuvré au cours de la décennie 90. En fait, c'est les indications que j'ai ici, peut-être avant, peut-être après. Danny pourra m'éclairer. On a au bout du fil M. Gabriel Rochette. Bonjour, M. Rochette. Ben, bonjour à vous tous. Bonjour, Gabriel, c'est Danny. Oui, 90, mais lorsqu'on s'est parlé, justement, je pense que c'est plus que 90, hein, Gabriel? Ben oui. Hey, écoute, salut Jean-Sébastien, salut Denis. Oui, salut Danny. Gabriel. C'est un bonjour. Plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un petit peu... écoute, j'ai fait des recherches dans ma mémoire qui n'est pas toujours fiable. En fait, je crois avoir eu l'occasion de joindre CKRL au moment où on était encore sur Sainte-Ursule. Donc, par un compagnon d'études de l'Université Laval qui s'appelait Benoît Mendré-Chora. Oh, Benoît, oui. Eh oui, et qui a travaillé pour des BCP Communication, des grandes agences de publicité, et qui m'avait approché et qui voulait absolument que je joigne CKRL pour faire de la radio et parler de cinéma. Donc à ce moment-là, on était encore effectivement, on était encore sur Sainte-Ursule. Quand, donc, tu parles de cinéma, l'émission de cinéma, est-ce que c'était au tout début ou par la suite, ou quand est-ce que ça a commencé, votre émission de cinéma? Ben, c'était quelque chose qui était, en fait, qui était assez flou pour moi au moment où on se parle. Benoît André-Chora animait des émissions qui étaient diffusées l'été. Donc, des émissions qui étaient très écoutées et qui étaient très ludiques aussi, comme les 400 coups de soleil, qui était une référence évidemment à Truffaut, et qui et il me disait, écoute Gabriel, il faut que absolument que tu viennes faire des chroniques là-dedans. Alors, je me suis intégré là-dedans assez rapidement, et puis on était là sur Sainte-Ursule au moment où on était pour déménager sur Grande Allée. Je me souviens de François Desmeul, d'Éric Etter qui était là à ce moment-là. Et là, j'avais proposé une émission qui reliait la littérature et le cinéma et qui finalement s'est appelée À l'image des mots et qui a eu je pense que ça a rallié beaucoup de gens et ça a fait en sorte que beaucoup de gens qui ne pouvaient pas prendre parole tant au niveau de la littérature qu'au niveau du cinéma, ben se sont intégrés à nous et ça a été une émission assez magique. Et pendant ce temps, ben j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui est très importante pour la radio de CKRL, pour ne pas la nommer, Caroline Stephenson. Oui. Notre animatrice du matin. Qui me dit, écoute Gabriel, je veux te rencontrer, je veux faire en sorte que tu joignes l'équipe de mes chroniqueurs le matin à Radio Expresso à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, alors je joins Caroline par l'entremise de Yves Dubois d'ailleurs. Et qui me dit, écoute, Caroline est à la recherche de quelqu'un qui pourrait parler de cinéma, mais pas de cinéma actuel, qui pourrait parler de cinéma dans l'histoire du cinéma. Et là, ben écoutez, ça a fait en sorte que ça a vraiment fonctionné avec moi. J'ai parlé avec Caroline et je suis devenu le collaborateur régulier de cinéma pour Radio Expresso. Et ça a été un début d'une aventure, je n'aurais pas pu espérer mieux, une très belle aventure, donc très régulièrement, donc j'étais là chaque semaine avec d'autres chroniqueurs qui parlaient d'art, qui parlaient de photographie, qui parlaient de sculpture. Et puis rapidement, j'ai été commandité par Vidéo Centre-Ville. La chronique a trouvé son public. Et j'étais aux oiseaux avec CKRL. Pour la première fois, je pouvais parler de cinéma d'un point de vue qui me rejoignait moi-même et qui, semble-t-il, rejoignait les auditeurs. Et au même moment, vous aviez une émission hebdomadaire également. Ben, en fait, il y avait une émission qui était, qui avait fait un peu le pont entre À l'image des mots et les chroniques de Caroline Stephenson. C'est que j'avais rencontré Gilles Carignan, qui était, je venais de sortir de l'Université Laval, et j'avais rencontré Gilles Carignan, qui est un passionné de cinéma comme moi, et qui me dit pourquoi on ne propose pas une émission à CKRL qui s'appellerait tout simplement Le Cinématographe, qui est un hommage direct aux frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Donc, et on a été très surpris d'être accepté comme ça. C'était une émission qui n'était pas facile. On ne parlait à peu près pas d'actualité. C'était une émission qui s'étirait sur 2 heures par semaine, où on parlait de thèmes, de genres, on parlait de western, on parlait de films noirs, de la nouvelle vague française, italienne, québécoise. Et ce fut un succès, et on était complètement débouté par tout ça. Et quand tu mentionnes que c'est un succès, lorsqu'on parle justement là, des gens qui sont passés à CKRL, honnêtement, au niveau cinéma, cette période-là, c'était un moment marquant pour CKRL. Vraiment, au niveau... CKRL couvre l'ensemble des arts, couvre la musique, tous les arts, mais au niveau cinéma, cette émission-là, on s'en faisait parler de façon régulière, et c'était vraiment important... dans la grande région de Québec. C'était un rendez-vous hebdomadaire avec Gilles et Gabriel à ce moment-là. Et Gabriel, je le mentionnais en début d'émission, CKRL, depuis 2023, a un mur de la reconnaissance. Ce mur de la reconnaissance reconnaît justement l'apport d'artisans, de gens du conseil d'administration, de partenaires ou autres. Et en 2025, il y a 10 personnes qui sont nommées sur le mur de la reconnaissance de CKRL, et 2 de ces personnes sont Gabriel Rochette et Gilles Carignan. Donc, voyons donc. Ouais. Est-ce que c'est ça? J'ai le plaisir donc et l'honneur d'être annoncé, et on va l'annoncer également à Gilles, que vous êtes sur le mur de CKRL, le mur de la reconnaissance, pour l'apport que vous avez fait pour CKRL, pour la notoriété de la station, pour la visibilité que vous avez donnée à la station. Donc, voilà. Écoute, j'en ai des larmes aux yeux. Je me souviens, lors d'un radioton, d'avoir été, de prendre mon automobile et d'aller donner des cartes de membre à des gens qui reprenaient leurs cartes de membre parce que ils écoutaient Le Cinématographe. C'est quelque chose qui est surréaliste pour moi aujourd'hui. Et oui, certain. Je me souviens de Brigitte Duchesneau qui était là, qui me disait « Tu vas aller porter une carte de membre à cette personne-là parce qu'elle écoute Le Cinématographe. » Écoute, c'est quelque chose qui est surréaliste. Et juste avant de terminer, je peux pas m'empêcher, parce que j'ai comme eu 2 vies, moi, à CKRL. Okay. J'ai eu ma vie cinématographique, mais j'ai quand même eu ma vie musicale, et je le dois vraiment à Denis Barry. Oui, tu l'as remplacé à l'Opineur du Chef de façon régulière. Ah, régulière, et c'est ce qui a fait que j'ai pu découvrir. J'étais un maniaque de la musique progressive, et je remplaçais Denis lors de l'Opineur du Chef. J'étais tellement heureux lorsqu'il qu'il m'appelait. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion de présenter un projet qui s'appelait La Boîte à musique, donc à CKRL, un projet qui a été accepté. Évidemment, vous comprendrez toutes que c'est un hommage à The Musical Box de Genesis. José Letourneau, Louis Duval, José Letourneau qui était un trans-fuse de la trans-canadienne à l'époque, Louis Duval, et la boîte à musique a eu un succès incroyable. On peut pas aujourd'hui comprendre comment il y a eu ce succès-là. Et par la suite, j'ai même eu l'occasion de remplacer à Mezzanine. Donc, franchement, j'ai eu deux vies à CKRL, et je remercie toute l'équipe de CKRL et les équipes anciennes de CKRL aussi pour nous avoir, moi, Gilles Carignan, José Letourneau, Louis Duval, nous avoir donné l'occasion de transmettre notre passion. Et je ne sais quoi dire pour remercier ces CKRL. Ben, merci à vous. Ben pour, si tu ne sais quoi dire, tu passeras nous voir, Gabriel, parce qu'on aimait bien quand tu venais nous voir de façon un peu plus régulière que maintenant, parce qu'on ne te voit pas souvent. Écoute, là, je suis, j'enseigne dans une école de cinéma avec Caroline Stephenson, et régulièrement, on discute. Je pense, là, pour un petit scoop, là, juste en terminant, là, je pense que pour l'été, vous allez réentendre ma voix à CKRL. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci, Denis. Salut, Gabriel. Merci mille fois pour tout ça. Merci d'avoir été avec nous, M. Rochette. Félicitations encore une fois. Au revoir. Merci beaucoup. Première loge spéciale anniversaire de CKRL se poursuit dans quelques instants. CKRL 89.1, Québec. Artiste de la relève, ce message s'adresse à toi. Tu aimerais obtenir une bourse Première Ovation pour réaliser ton projet? Tu as jusqu'au 1er mars pour déposer une demande en musique, en danse, en cinéma, en cirque, en art littéraire ou en art visuel, art médiatique et métier d'art. Tous les détails sur premièreovation.com. Le Palais Montcalm vous offre un voyage fascinant dans l'univers de Keith Emerson avec le pianiste Thierry Eliès. Come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. À mi-chemin entre jazz progressif et musique classique, l'artiste français présente Emerson Enigma, un brillant hommage à Keith Emerson, compositeur du groupe mythique Emerson, Lake & Palmer. Entouré d'un quatuor à cordes, c'est dans une version toute acoustique que le musicien vient livrer son projet. Le 27 février, une soirée mémorable vous attend avec Thierry Eliès au Palais Montcalm, Maison de la musique. Je suis la soprano Élisabeth Saint-Gelais et je vous invite à prendre la route des concerts. Au programme, des moments musicaux classiques, magiques, des lieux parfois méconnus, des salles patrimoniales, des paysages enchanteurs à contempler un peu partout au Québec. Chose certaine, là où vous irez, la musique vous attend et saura vous conquérir. Alors prenez l'air et suivez la route des concerts. Après les succès retentissants de Foreman et Baby Shower, la compagnie de théâtre Mon père est mort présente The Quarter Life Crisis, transformer ses ruines en ombre à paupières. Adaptation à la scène du recueil de poésie de Catherine Côté. Avec autodérision et insolence, elle décortique les étapes de la crise du corps de vie, mais le spectacle bascule vers un témoignage impudique. The Quarter Life Crisis, transformer ses ruines en ombre à paupières, est présenté du 11 février au 1er mars au Théâtre Périscope. Première loge vous est présentée grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, soutenons la radio d'ici qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté. Vous êtes toujours à l'écoute de Première Loge, édition spéciale anniversaire de CKRL 89.1. Dernier droit ensemble pour souligner nos 52 ans, hein, demain. Mon nom est Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation de CKRL. Je suis accompagné de Danny Fortin, directeur général, et de Denis Lelièvre, animateur de Midi Jazz les lundis et de Chansons sur parole les jeudis. Danny, tu vas nous présenter notre prochain invité qui viendra témoigner dans les prochains instants, en fait. Oui, donc cette année, comme on le mentionne, c'est le mur de la reconnaissance de CKRL. On nomme des personnes qui ont été importantes pour CKRL, que ce soit des artisans, des artisanes, des membres du conseil d'administration, des gens qui se sont impliqués lors d'événements, mais également des partenaires. Et quand on parle partenaires, un des partenaires importants à la station a été le magasin Audiolite. Mm-hmm. Magasin Audiolite qui était partenaire pendant, je dirais, plus de 30 ans de CKRL et qui l'est encore aujourd'hui avec sa réouverture. Et quand on pense au magasin Audiolite, on pense bien sûr à Michael Martel. Michael Martel qui était le propriétaire du magasin Audiolite, qui a collaboré à CKRL de façon régulière par, justement, ses placements médias sur nos ondes, par ses partenariats à nos différentes émissions, à nos événements. Michael était quelqu'un qui était dédié à son magasin, mais qui adorait la musique, adorait CKRL, était présent principalement à l'émission de blues de Michel Dubois, qui connaissait très, très bien Michel. Il venait de temps en temps voir Michel, mais surtout, il a été d'une aide importante pour CKRL. CKRL, ça n'a pas toujours été aussi facile, financièrement ou autre, le magasin Audiolite a toujours été présent. Et il apportait également cette notoriété-là également pour les partenariats. Les partenariats qui permettent à CKRL de continuer à émettre au jour, à chaque jour, justement. Et quelles que soient les périodes des années 80, 90, 2000 jusqu'à tout récemment, ça a toujours été un oui automatique de Audiolite. Oui, je collabore avec vous, je crois en CKRL. Et aujourd'hui, Michael, malheureusement, est décédé au tout début de l'année, en 1er janvier 2025. Le magasin Audiolite avait fermé ses portes en octobre, qui est rouvert maintenant. Et donc, malheureusement, Michael est décédé le 1er janvier. Et on a quand même l'honneur d'avoir aujourd'hui sur nos ondes le fils de Michael, Derek Martel. Et on veut aujourd'hui rendre hommage à Michael. Et pour le mur de la reconnaissance de CKRL, Michael sera éternellement, c'est le cas de le dire, sur le mur comme un partenaire important pour la station. Bonjour, Derek. Oui, bonjour. Bonjour, Derek. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait annoncer aujourd'hui, Derek, l'apport du magasin Audiolite, mais principalement de ton père, Michael. Ouais, ben merci beaucoup. C'est super gentil. Là. Je voulais vous remercier tout le monde de CKRL, là, de l'honneur que vous faites à mon père là, en inscrivant au mur de la reconnaissance de la station aujourd'hui. Je pense que ça l'aurait vraiment touché là, d'avoir cette reconnaissance-là, parce qu'il était attaché à la station là, depuis longtemps, comme vous l'avez dit. Petite anecdote, là, je suis allé chez lui là, il n'y a pas longtemps pour vider sa maison puis tout ça, puis là j'ai remarqué, j'avais jamais trop porté attention, mais j'ai remarqué qu'il y avait du Rammstein qui jouait sur la galerie en arrière. Et là je suis sorti, j'ai dit voyons, il y a personne à la maison. Puis là c'est là que j'ai remarqué, puis je me suis souvenu, il y avait un petit système de son qui jouait sur la galerie en arrière 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis c'était toujours synchronisé à 5KRL. Fait que ça m'a bien fait rire là, d'être seul là-bas avec Rammstein. Puis écoutez, comme vous l'avez bien dit tantôt, c'était mon père, c'était un audiophile, là, il a travaillé toute sa vie ou presque dans ce milieu-là, puis c'était aussi une passion personnelle, là, qui est quasiment une obsession même. C'était aussi un grand mélomane, là, il écoutait toujours de la musique, puis toutes sortes de musiques. Même pour vous donner une idée, c'est lui qui m'avait fait découvrir Infected Mushroom il y a une quinzaine d'années, là. Je le reconnais un peu dans la station parce que vous avez une programmation qui est très variée, qui touche à plusieurs genres, puis qui fait vraiment découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux genres aux auditeurs. Donc c'est ça. Comme il est un passionné, il est comme les gens de la station, je pense. Fait que c'est d'autant plus un super bel hommage là, que vous lui faites de le mettre au mur de la reconnaissance, étant donné que CKRL est vraiment une station d'artisans puis de passionnés de la musique. Là. Il était très content et fier que Audiolite soit un partenaire de longue date là, de votre station. Là. Derek, Denis Lelièvre ici, j'aimerais d'abord témoigner comme client d'Audiolite. C'est comme ça que je l'ai d'abord connu, parce qu'à chaque étape où j'ai eu besoin de renouveler des appareils, d'en ajouter, je pense dès 1972, sinon avant, et entre autres en 81-82, puis par la suite en 90. Donc, à différents moments, la principale qualité qu'on recherche souvent dans ces commerces-là, c'est le service, c'est le temps accordé au client et le sentiment qu'on peut revenir, poser des questions, etc. À la limite même que la personne vienne à la maison peaufiner le filage et tout et tout. Pour ce qui est d'ici, CKRL, ce que j'aimerais te demander, donc, justement, de quelle façon indirecte tu en entendais parler par Michael de CKRL, en plus d'écouter Rammstein dans sa cour? Hein? Ouais, ben en fait j'ai pas des souvenirs ultra précis là, mais je me souviens là, qu'il était Il faisait des placements publicitaires. Il me parlait de certaines émissions, des fois, des animateurs. Je crois qu'il y avait aussi commandité là, des salons que vous aussi vous commanditiez, le salon de vinyle, par exemple, des trucs comme ça. Là. Oui. Fait que c'était quand même assez un thème récurrent, on peut dire, là, dans sa vie. Là. Moi, je me rappelle qu'au magasin, à un moment donné, ils avaient fait l'acquisition. Est-ce qu'on était... Ouais, je pense à l'époque des premiers CD, donc 84 et les années suivantes, par exemple, du jazz japonais, tu sais, sur des labels importés, des disques qu'on ne trouvait pas dans les autres magasins, mais oui. Qui étaient très... au plan de l'audio-fidélité, qui était vraiment parfait, qui se plaisait à utiliser pour faire écouter les systèmes de son. Oui, exact. Il y avait toute une collection de musique un peu... difficile à trouver au ça. Magasin, là, dans des formats spéciaux. Aussi c'est souvent, ça, là. Tu te souviens de ça. Donc, Derek, en terminant, justement, au nom du conseil d'administration de CKRL, de l'équipe de CKRL, de tous les bénévoles, ben, on offre à toute ta famille, bien sûr, nos plus sincères sympathies, mais on est très fiers que Michael Martel, Audiolite, comme partenaire, soit sur notre mur de la reconnaissance. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois pour le bel hommage. Puis j'espère que vous allez continuer d'ajouter des membres à votre mur de la reconnaissance pour encore longtemps. Merci. Merci, Derek. Au revoir. Oui, on va poursuivre quelques instants avec une petite chanson de notre plus récent porte-parole du Radioton CKRL, David Bugeaud du groupe Fudge et Ton cœur a plus une scène. À Noël, il mange du beurre de pin. Il est né pauvre, il sent la robine. Si t'avais peur d'être normal, tu sais pas si t'aurais mal de même. Un jour, tu vas changer, tu promets. Tu te tares, ça fait du bien. David Bugeaud, la pièce Ton cœur a plus une scène. David Bugeaud, notre plus récent porte-parole du Radioton CKRL 2024 avec sa formation Fudge. Vous êtes toujours à l'écoute de Première Loge, édition spéciale anniversaire de CKRL. Jean-Sébastien Doré avec vous, accompagné de Denis Lelièvre et de Danny Fortin. On poursuit tout de suite avec notre dernier entretien de l'émission. Notre émission dédiée à l'anniversaire donc de CKRL qui fêtera ses 52 ans demain, avec des anciens artisans, anciens et actuels artisans des débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous discuterons dans les prochains instants et Denis pourra peut-être nous le présenter avec un artisan que je vois ici qui est un administrateur actif au cours de la décennie 1980, M. Jacques Laflamme, Denis. Salut Jacques, comment vas-tu? Bonjour Denis, ça va très bien. Et vous, Danny, Jean-Sébastien, bonjour, bon anniversaire pour CKRL. Bonjour. Bonjour. Merci. Tu te souviens en général quand c'est le 15 que c'est notre anniversaire? Ben oui, tout à fait. Oui. C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour de la radio, les passionnés de la radio. Tu fais ce rapprochement. Donc c'est un rendez-vous qui est inévitable. Une question très, très générale. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir que cette radio-là, ce médium précis, est parvenu à vivre 52 ans, au terme de quoi la station est toujours relativement en bonne santé? Oui, c'est vraiment la créativité, la solidarité et je dirais la chimie des gens qui sont passionnés dans divers domaines, qui se rencontrent, que ce soit par rapport à l'information, à l'action communautaire, mais dans toutes les sphères de la culture. Et c'est l'intégration de ces gens-là dans un médium libre qui est vraiment un modèle à travers le monde. Assez que moi, quand j'étais directeur de l'information et des affaires publiques en 80-82, on recevait les radios libres françaises qui aspiraient à une liberté, un droit de parole, mm-hmm. etc. J'ai même été en France dans un événement avec Yves Michaud, la délégation, on était reçus par Sevrin. J'étais le représentant de CKRL parce que c'était la radio de la liberté, première radio francophone en Amérique. Fait qu'imaginez-vous, quel honneur. Fait que ta question, Denis, c'était un modèle et c'est toujours un modèle et la continuité. Et c'est une équipe de bénévoles et c'est la chimie aussi avec toujours, parce que pour avoir été permanent pendant 2 ans et avoir travaillé aussi comme adjoint technique pour la formation des techniciens dès mon arrivée à Québec en 77-79, c'est vraiment la chimie entre le bénévolat et cette équipe qui est toujours très peu importante en termes de nombre, mais qui est essentielle à un équilibre pour un organisme communautaire comme la radio. Oui. C'est ce que nous évoquions en entrée de jeu avec Martin Bolduc, comment la passion, la créativité se lie avec le côté administratif, c'est-à-dire la conscience qu'il faut trouver tous les moyens pour que ça se poursuive. Puis il y a d'autres mots que tu as prononcés sur lesquels j'accroche. Passion, bien sûr, et chimie, on parle de ça au hockey présentement. Chimie, ça, et rappelle-nous, toi comme d'autres, tu as commencé comme metteur en onde, technicien, t'as participé à des émissions d'animation musicale aussi, t'as touché un peu à tout. Oui, j'ai touché, ma trajectoire est de 1977 à 1987, donc en 77-79, j'arrive de l'Outaouais, j'avais un besoin de me baigner dans un contexte plus difficile par rapport à la fréquentation de lieux culturels et d'une dynamique là qui est un peu énergisante au plan culturel. J'arrive à Québec et moi j'avais fait un cours en radio-télévision au Collège Algonquin et j'avais une formation technique, mais j'entreprenais mes études en Sciences Po. Donc j'étais au pavillon de Coninck et là j'ai été embauché pour adjoint technique. Et à l'époque, tous les animateurs avaient des techniciens, donc je formais les techniciens et je faisais une programmation musicale. Et quand j'ai fini mon bac, entre mon bac et ma maîtrise, j'étais directeur de l'information des affaires publiques. Et là, j'ai baigné dans tout le milieu communautaire de l'information. Et par la suite, après ma maîtrise, j'ai aussi été président du conseil d'administration de 1985-87. Oui. Danny, tiens. Donc, lorsque l'émission a débuté, M. Laflamme, on mentionnait que depuis le 50e anniversaire, depuis le 15 février 2023, CKRL a décidé de dévoiler un mur de la reconnaissance qui reconnaît la part d'artisans, de partenaires, d'employés, de membres du conseil d'administration, de personnes qui ont été importantes tout au long des années de CKRL depuis 1973 à aujourd'hui. Et en 2025, on a le plaisir et l'honneur de vous annoncer que vous êtes nommé sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Eh bien, c'est une marque, en tout cas, qui m'émue beaucoup. Je suis très, très honoré par cette marque de reconnaissance-là. Et je pense déjà à l'événement quand nous, on était au conseil d'administration en 85-87. Quand après une période un peu d'expérimentation, on a eu à sauver la station. Je pense beaucoup, quand vous me donnez ce prix-là, à Éric Etter et Jean Provencher et à tous les collègues qui ont levé les manches pour faire en sorte que cette station-là vive encore aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de recevoir cette reconnaissance-là, d'autant plus que ça vient d'une radio et j'entendais tous les témoignages l'année dernière dans les émissions comme l'émission d'aujourd'hui. La radio donne beaucoup, beaucoup aux gens et par cet honneur-là que vous m'offrez aujourd'hui, vous faites un petit clin d'œil et c'est vraiment apprécié. Je l'apprécie vraiment beaucoup et je voudrais vraiment remercier tous les gens, Denis, Danny et Jean-Sébastien, pour votre initiative. C'est très apprécié. Et en nous quittant, en essayant d'avoir une réponse quand même brève, je disais, on est heureux, tout le monde, de fêter cet anniversaire-là. Qu'est-ce que tu souhaites à CKRL ou comment tu prévois que CKRL pourra naviguer à travers, justement, des innovations technologiques, des attitudes d'écoute qui ont changé? Est-ce qu'une radio comme celle-ci, qui a toujours réussi à s'adapter, qu'est-ce qu'elle a devant elle? Elle a devant elle de rester elle-même. Il faut qu'elle reste elle-même. Parce que c'est pas des évolutions technologiques ou des changements de comportement qui vont faire en sorte qu'une radio aussi ouverte, aussi éclatée, aussi diversifiée, aussi riche, ça va devenir probablement des lieux d'exception, de création et de lieux de d'information critique. Mais rester là, c'est d'autant plus important. À l'heure où on veut faire du Canada un 51e État américain, je pense que cette voie de liberté, de créativité est essentielle et c'est une marque de l'identité québécoise. Moi qui ai fait ma carrière pendant 30 ans au ministère des Communications, les seules poignées que le Québec avait en matière de communication, c'était deux choses. C'était Radio-Québec et ça a été le fait d'appuyer les radios communautaires. Et je dis bravo parce que c'est et moi j'ai eu l'honneur d'y contribuer et je vous remercie de saluer ma contribution. Mais rester comme, et c'est ça que je trouve important, c'est que Radio CKRL est restée la même, mais elle a toujours évolué, elle s'est toujours imprégnée de tous les courants qui bougent et qui est le reflet de la créativité. Alors je vous dis bravo, lâchez pas. Merci beaucoup, Jacques, et à bientôt. Un gros merci, M. Laflamme, et c'est pleinement mérité. Ah, merci beaucoup. Merci, bonne continuité à vous. Au revoir. Merci, au revoir. M. Laflamme, merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore une fois. Denis, c'est presque, comme dirait l'autre, on défonce déjà que presque. Oui. Puis, l'autre étant Jean-Marc Parent, désolé. Ce que M. Laflamme vient de mentionner, c'est quand même très important. Parce que, encore aujourd'hui, ce qui fait la force de CKRL, c'est que la mission est sensiblement la même que celle qui était en 1973, c'est vrai, Denis? Hein? Une mission, OK, communautaire, mais culturelle et sociale, où on est là pour faire découvrir les talents musicaux d'ici, de tous les styles musicaux possibles, et on touche à tous les arts. Ça, c'était la mission du départ, et lorsqu'on refait une mise à jour de notre mission, bien, finalement, c'est encore ça aujourd'hui. Oui, et pourtant, il n'y a rien de ringard là-dedans. Là. C'est pas du tout par nostalgie. C'est-à-dire, c'est vraiment rester à l'affût de... Alors, donc, on le sent dans les choix musicaux, par exemple, des gens qui viennent partager leur musique, et dans la couverture des activités culturelles et de leurs besoins, comme là on parlait d'une difficulté financière, entre autres dans les domaines du théâtre, du cirque, ça va nous intéresser. On va essayer de faire le maximum pour témoigner de ça. Et comme le soulignait M. Laflamme par rapport aux algorithmes un peu partout sur Internet, mais également aux grandes plateformes comme Spotify, Apple Music, on n'a pas à se positionner vis-à-vis ça ou à essayer à préparer nos programmations en réponse à ça. On est un écosystème culturel en soi et on doit pas réagir à ça. Nous donnons voix quand même à une sélection musicale, à la vie culturelle de Québec. Et je trouvais ça important qu'ils nous le soulignent en fin d'émission. Oui, oui, parce que nous, à l'interne, on en parle souvent. Que sommes-nous vis-à-vis cette montée-là des plateformes comme Spotify avec nos émissions musicales? Ben, c'est notre expertise, notre passion, la passion de nos animateurs et animatrices. C'est la valeur ajoutée de ce qu'on a à proposer. Pas seulement les émissions musicales, tous les magazines, toutes les émissions. Mais on va continuer, coûte que coûte, à offrir ce contenu-là comme nous sommes, comme Denis peut en témoigner et Danny, comme nous sommes depuis 1973. Et après, vraiment, honnêtement, Spotify peut bien disparaître. Nous, on va être encore là. Oui, mais bon, l'important, c'est que CKRL, que je le mentionne, c'est que CKRL continue à offrir un produit qui est unique. Et ce produit est toujours unique encore aujourd'hui. C'est ce qui est quand même assez impressionnant. Et lorsqu'on parle du mur de la reconnaissance, donc on a nommé jusqu'à maintenant 8 personnes, oui. Denis. On a nommé Martin Bolduc, Michel Drolet, Diane Blanchette, Jaime Silas et Hortensia Silas, Gabriel Rochette et Gilles Carignan, Michael Martel, Jacques Laflamme, et il manque deux nommés pour 2025. Une autre nommée, Nathalie Lessard. Donc, Nathalie qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Nathalie qui était importante pour CKRL, qui a animé des émissions, que ce soit l'émission du retour, les émissions en sortie. Quand on a fait des émissions en sortie au Foubar, l'émission sortie culturelle, justement, au Foubar, elle animait cette émission-là avec Denis Barry, justement. Donc, Nathalie, qui était une artiste également. Et donc, Nathalie est sur le mur de la reconnaissance 2025 de CKRL. Le dixième nommé, on parlait justement artisan, conseil d'administration, employé, mais institutionnel était important aussi. On a ajouté la catégorie institutionnelle et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Caisse d'économie solidaire des Jardins qui a toujours appuyé, était présent pour CKRL, l'est toujours aujourd'hui dans les moments les plus difficiles de la station, ont toujours cru en CKRL, comme ils croient à l'ensemble des organismes communautaires et culturels. Donc, la Caisse d'économie solidaire des Jardins sera sur le mur de la reconnaissance de CKRL. C'est bien. Donc, ça fait le tour des nommés pour 2025. On remercie encore le comité qui était Denis, bien sûr, Brigitte Duchesneau, Jean-Sébastien Grondin, Jacques Bégin, président du conseil d'administration, et moi-même, donc qui a nommé ces personnes-là. À chaque année, à la date anniversaire, on le dit et on le redit, on va ajouter des personnes qui ont été importantes, parce que la liste est très grande, hein, Denis. Lorsqu'on se rend compte, oui. C'est un choix qui déchirant, mais ces personnes-là qui sont sur le mur actuellement et qui le seront prochainement dans les prochaines années, justement, c'est des gens qu'on a à cœur, mais qui ont été importants pour ce carrière. Et à travail d'équipe, je veux juste ajouter ça, parce que vous savez que je suis chroniqueur de hockey de la Ligue nationale le mardi, à l'émission animée par Dominique Girard, c'est que souvent, bien humblement, mais avec raison, la personne dit: je n'aurais pas fait ce que je faisais si je l'avais pas fait en équipe. Le prix devrait revenir à toute l'équipe de 2, 3, 4. Alors, je vais juste souligner ça. Oui. Je l'ai entendu et c'est aussi pertinent. Oui, absolument. Et j'allais dire, le jour où Spotify sera sur le mur de la reconnaissance, nous serons vaincus. Et il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms à nommer d'ici là. Inquiétez-vous pas. Oui. Je pense qu'on va attendre plusieurs décennies. Oui, j'espère bien. Merci, Denis Lelièvre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Jean-Sébastien. Merci, bravo. Danny Fortin. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation. Merci d'avoir été à l'écoute de Première Loge spéciale anniversaire de CKRL. Dans quelques instants, on vous offre une petite sélection musicale de nouveautés locales et québécoises. À 18h, c'est Soulfinger avec Jean-Sébastien Grondin. Je vous invite à rester à l'écoute de la programmation de CKRL ce soir, mais également demain, montez le son demain toute la journée. Nous fêterons nos 52 ans officiellement demain, le 15 février. Donc, une belle occasion d'écouter une belle programmation de CKRL. Quant à moi, je vous dis merci, bonne soirée et à la prochaine. Première Loge remercie chaleureusement ses partenaires, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou, qui soutiennent la radio d'ici et contribuent à enrichir notre culture locale et à rassembler notre communauté.